Il écarta les bras, largement, comme Frédéric Lemaître dans Robert Macaire. Jeunesse des écoles, je te bénis. Ensuite, apostrophant un chiffonnier qui remuait des écailles d'huîtres contre la borne d'un marchand de vin. En fais-tu partie, toi, de la jeunesse des écoles? Le vieillard releva une face hideuse où l'on distinguait, au milieu d'une barbe grise, un nez rouge et deux yeux avinés, stupides. Non, tu me parais plutôt un de ces hommes à figure patibulaire que l'on voit dans divers groupes, semant l'or à pleine main. Oh, sème, mon patriarche, sème. Corromps-moi avec les trésors d'Albion. Are you English? Je ne repousse pas les présents d'Astraxès. Causons un peu de l'union douanière. Frédéric sentit quelqu'un lui toucher à l'épaule. Il se retourna. C'était Martinon, prodigieusement pâle. Eh bien, fit-il en poussant un gros soupir, encore une émeute. Il avait peur d'être compromis, se lamentait. Des hommes en blouse, surtout, l'inquiétaient, comme appartenant à des sociétés secrètes. Est-ce qu'il y a des sociétés secrètes? Dit le jeune homme à moustache. C'est une vieille blague du gouvernement, pour épouvanter les bourgeois. Martinon l'engagea à parler plus bas, dans la crainte de la police. Vous croyez encore à la police, vous? Au fait, que savez-vous, monsieur, si je ne suis pas moi-même un mouchard? Et il le regarda de telle manière que Martinon, fort ému, ne comprit point d'abord la plaisanterie. La foule les poussait, et ils avaient été forcés, tous les trois, de se mettre sur le petit escalier conduisant par un couloir dans le nouvel amphithéâtre. Bientôt, la multitude se fendit d'elle-même. Plusieurs têtes se découvrirent. On saluait l'illustre professeur Samuel Rondelot qui, enveloppé de sa grosse redingote, levant en l'air ses lunettes d'argent et soufflant de son asthme, s'avançait à pas tranquille pour faire son cours. Cet homme était une des gloires judiciaires du XIXe siècle, le rival des Zachariés, des Rudorf. Sa dignité nouvelle de pair de France n'avait modifié en rien ses allures. On le savait, pauvre, et un grand respect l'entourait.